Tout juste avant le début de la période de questions, les citoyens ont appris que le projet de mine à ciel ouvert à Malartic fera l'objet d'une audience publique. Il y a eu une demande d'audience publique avec trois signataires. Il s'agit de la Corporation minière Osisko, la municipalité de Malartic et le groupe de consultation de la communauté. Les citoyens avaient jusqu'au 12 mars pour consulter les documents relatifs au projet. Cette annonce vient réduire cette période puisque le mandat du BAP commencera le 2 mars. Le porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, Henri Jacob. La compagnie a fait une passe-passe pour raccourcir la période pour qu'on puisse étudier la documentation en demandant eux autres-mêmes une audience publique. C'était une passe-passe assez habile. On vient de perdre un 2 à 3 semaines de moins de préparation. Le vice-président du développement durable chez Osisko Exploration, Jean-Sébastien David, affirme que la compagnie a agi avec transparence. Depuis le 5 septembre, les documents sont disponibles. Donc, je pense que c'est nous prêter de mauvaises intentions là-dessus. Les citoyens ont tout de même profité de la séance pour questionner la compagnie, entre autres sur l'environnement et sur les retombées dans la communauté. Le porte-parole du comité vigilance, Jacques Saussier. Les questions étaient très pertinentes. On sent que les gens sont préoccupés par le dossier. Les audiences se tiendront en deux parties, la première pour s'informer et la deuxième pour s'exprimer. Sandra Ataman, Radio-Canada, Malartic.